En Corée, l'agence centrale de création des beaux-arts a salué son 30e anniversaire. Le meeting commémoratif a eu lieu le 6 courant en présence du ministre de la Culture Park Chun-nam, des cadres, créateurs et d'autres membres du personnel de l'agence et du secteur des beaux-arts, ainsi que des enseignants et étudiants. Fondée le 7 août de l'an 75 du juillet 1986, l'agence centrale de création des beaux-arts a joué le rôle des précurseurs dans le travail idéologique du parti pendant 30 ans.